Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 10 avril 2024, la 7e de cette saison. Et pour cette première émission du printemps, nous accueillons Sakina Baka de l'association Asa Azeka, une association d'éducation populaire qui lutte contre les discriminations et dont l'action est dédiée à l'engagement des femmes et des militantes berbères. Bonjour Sakina et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de votre invitation. Alors Sakina, tu seras accompagnée pendant cette émission par Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Karine, bonjour Sakina, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous avons intitulé cette émission « Se semptera ». Bravo, si je prononce bien. Se semptera. Se semptera. Donc nous allons parler, Sakina, de cette association Asa Azeka que tu as créée il y a peu de temps. Et avant d'en parler, je vais rapidement te présenter. Je dirais que d'abord que tu es stéphanoise, que tu es née à Saint-Étienne. Ce n'est pas mon accent qui va me contredire. Dans une famille ouvrière, une famille de mineurs. Absolument. Tu peux dire quelques... Oui, donc je suis née à Saint-Étienne et comme mes 8 frères et sœurs, mon père était mineur de fond. C'est un des rares mineurs à avoir travaillé 33 ans au fond de la mine. Et ma mère nous a été mère au foyer, nous a élevés, a travaillé donc à temps plein à la maison pour élever cette grande famille. Et tu as suivi des études, tu étais dans le quartier de Beaubrun? Alors on a habité dans différents quartiers, d'abord du côté de la Croix de Mission, on a habité rue Saint-Just, donc c'est proche de Côte-Chaude, ensuite à Saint-Jean-Bonnefond, donc voilà. Mais chaque fois dans des quartiers populaires, et en particulier dans des quartiers où résidaient des populations de mineurs, puisqu'à l'époque il y avait des lotissements qui étaient réservés aux familles de mineurs. Et donc tu es allé à l'école primaire, tu racontes... une expérience un peu douloureuse peut-être de cette période? Alors à l'école primaire, c'était l'école de Paillon. Et j'ai raconté, donc j'allais dire c'est une anecdote, mais qui est très significative, à la fois des représentations négatives qui pesaient sur nous, les enfants d'immigrés. Bien qu'étant nés en France, par exemple, mes frères et sœurs, on allait à des cours spécifiques de français, en plus des cours... habituel, alors qu'on était pour la plupart d'entre nous les premiers de la classe, les meilleurs élèves, mais on avait des cours en plus. Donc ça en dit long sur la manière dont on était regardé à l'époque. Et c'est vrai que j'ai appris longtemps après, lors d'un débat, j'ai été élue de 92 à 98 au conseil régional, et j'ai appris à cette occasion, de la part de l'institutrice de l'époque, que la directrice de l'école s'était opposée au fait que j'aille au collège. À l'époque, c'était les meilleurs qui allaient au collège, au prétexte que les Arabes marient leur fille à 13 ans. Donc je ne l'ai jamais su, je l'ai su tardivement, mais ça veut dire que dans l'institution scolaire, une institution qui est censée nous aider, nous émanciper de notre milieu, si jamais nos parents étaient en désaccord avec le fait qu'on s'émancipe de notre milieu, eh ben c'est l'institution scolaire qui nous mettait la tête sous l'eau d'une certaine manière, alors que nos parents qui étaient analphabètes, ma mère est toujours vivante, l'ont vie à la maman qui va avoir 90 ans demain, et je fais une bise parce que je sais qu'elle est à l'écoute. Nos parents nous ont toujours poussés à faire des études parce qu'eux-mêmes, étant colonisés, étaient privés de scolarité. Voilà. Alors pour faire démentir ce discours qui est, je l'imagine, même si tu ne l'as pas entendu, a posteriori ça a été douloureux d'entendre ce genre d'intériorisation d'un statut inférieur finalement pour les enfants d'immigrés. Pour démentir ça, tu as fait des études brillantes, tu as été à l'université, tu fais des études d'anglais, anglais-américain, et tu as fait une maîtrise qui t'a amené jusqu'en Irlande, en Irlande du Nord. Et tu as commencé un doctorat sur l'humour noir dans le blues américain. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi tu attaches autant d'importance à la musique. Parce qu'on va consacrer un certain temps à la musique dans cette émission. Tu as été ensuite enseignante, directrice d'un centre de ressources enfance, famille, école, pour lutter contre l'échec scolaire. Et comme tu l'as dit, conseillère régionale Rhône-Alpes, puisqu'il t'a frotté dans un premier temps, pour une première fois, à la vie politique. Et le 11 avril 2016, tu as été nommée conseillère chargée de la vie associative et de la lutte contre les discriminations au cabinet de la secrétaire d'État chargée de la ville, Hélène Geoffroy, qui dépendait elle-même d'un ministre qui s'appelait Patrick Canter. Caner. Bien, alors, depuis ta jeunesse, tu milites contre les discriminations et pour l'égalité sociale. Donc on va parler un petit peu de ça et on va surtout parler de ton association qui est finalement le bras armé de cette lutte. Mmh. Donc je te demanderai de la présenter ou éventuellement de compléter des choses que je viens de dire, mais de présenter l'association peut-être. Très bien. D'abord, je voudrais m'adresser aux musulmans et aux musulmanes qui viennent de finir le ramadan. C'est aujourd'hui, vrai. C'est la fête de l'Aïd. Donc je vais leur dire en kabyle « l'Aïd Marbouh ». Ensuite, sur le titre de l'émission, donc « Sosumteran », qui veut dire « tais-toi maintenant », c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, soit dans les organisations féministes auxquelles j'ai appartenu, et pour lesquelles, quand j'évoquais la domination masculine, mais pas que, le racisme envers les enfants d'immigrés, on me disait « oui, mais le problème numéro un en France, ça reste quand même le sexisme et la domination masculine », comme s'il y avait une hiérarchie à établir entre les différentes formes de domination. Quand je militais dans les associations de quartier, c'était « oui, mais le féminisme, ça viendra après ». Dans le monde ouvrier, si on mène en parallèle la lutte contre les inégalités sociales et puis le féminisme, d'une certaine manière, ça ne va pas aller parce qu'il faut une priorité. Donc chaque fois, c'était « eh bien, voilà, ce que tu évoques, ça sera... c'est pas pour tout de suite, parce que d'une certaine manière, ça contribue à briser le mouvement. » Et il y avait un deuxième titre auquel je pensais, ça n'est pas de moi, bien entendu, c'est d'un grand écrivain afro-américain qui s'appelle Du Bois, et qui a écrit en 1903, « How does it feel to be a problem ?»« Qu'est-ce que ça fait d'être un problème ?» Et d'une certaine manière, quand on est fille d'ouvrier ou d'immigré, et en particulier de l'immigration, héritier de l'immigration postcoloniale, au quotidien, dans les institutions politiques et médiatiques, on est présenté comme étant un problème. Donc j'ai hésité entre ces deux titres. Et donc pour faire le lien avec l'association qui est née à Saranskin, qui veut dire « aujourd'hui et demain », donc ça n'est pas un parti politique, ce que j'ai entendu, mais pourquoi ça fait un peu slogan politique, militer et militer dans une organisation, qu'elle soit syndicale, associative, c'est faire de la politique au sens noble du terme. Et à Saranskin, c'est un slogan qui a été mobilisé par des millions d'Algériens lors du Hirak. Des millions d'Algériens, c'était à peu près à la même époque que ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes en France. Mmh. Et des millions d'Algériens sont descendus dans la rue contre le cinquième mandat du président sortant. Et donc, le slogan, c'était « aujourd'hui, on est là ». Et demain, on sera toujours là. Et on a trouvé que c'était intéressant de se tourner vers le sud, parce que sur le continent africain, il se passe beaucoup de choses très positives, plutôt que d'avoir tout le temps le regard tourné vers les pays d'Europe du Nord ou vers les États-Unis. Sur le continent africain, il se passe des choses aussi. C'est important de les rendre visibles, puisque là, c'est aussi une question d'invisibilisation des luttes, soit du monde ouvrier, soit des immigrés, soit des femmes. C'est aussi ça qu'on revendique dans l'association. D'accord. Donc elle est née de manière officielle en septembre 2022. Elle a été créée par un petit groupe de femmes, dont la plus âgée, 88 ans, analphabète. Je suis très fière de le dire, parce que ce n'est pas parce qu'on est analphabète qu'on n'a pas un cerveau et qu'on n'a pas une capacité à réfléchir sur l'état de la société. Et ensuite, l'association, bien entendu, aujourd'hui, elle est mixte. On revendique cette mixité, ce qui fait que ça casse aussi des représentations sur, négatives. Les femmes, elles ont du mal à accueillir des hommes dans leurs associations, ou les hommes ne s'intéressent pas à des préoccupations autour de la domination masculine. Nous, on montre que c'est faux, d'une part, et que quand on revendique des principes, notamment d'égalité, de lutte contre les discriminations, de liberté, de solidarité, tout le monde s'y retrouve. Oui. Voilà ce qu'on veut dire. C'est l'idée de l'universalisme. Absolument, absolument. Donc les objectifs de l'association, c'est la promotion de la citoyenneté à travers l'accès à la science, l'accès à la culture et l'accès au droit. Et ce qu'il y a de spécifique dans Saranskin, c'est qu'on est une des rares associations qui fait le lien entre les savoirs populaires et les savoirs académiques. Nous, on prétend que Les milieux populaires ont une culture, ont une histoire, un héritage, y compris de luttes sociales qu'il faut rendre visibles. Et donc, pour les rendre visibles, c'est aussi la responsabilité des institutions, qu'elles soient politiques ou médiatiques, mais aussi des milieux académiques, où on peut avoir potentiellement des enfants d'ouvriers, par exemple, qui vont à l'université, surtout à Saint-Étienne, mais on entend assez peu parler de leur environnement. Dernièrement, on était à l'université à Saint-Étienne, et beaucoup d'étudiants étaient étonnés d'entendre parler pour la première fois de l'immigration kabyle, alors qu'elle est très largement majoritaire en France, mais aussi à Saint-Étienne, et que par exemple, sur la langue kabyle, il y a au moins 1 million de personnes qui la pratiquent en France, c'est pas rien. Mmh. Donc il y a à la fois cette présence qui est très ancienne, du début du siècle, et en même temps une forme d'invisibilisation qui n'est pas du fait de la population, mais du fait des institutions qui ne les reconnaissent pas et qui les réduisent au monde arabo-musulman, ce qui n'est pas notre histoire. Oui, pour les kabyles, effectivement, c'est... C'est compliqué de les assimiler au monde arabe, musulman peut-être, mais arabe. Et de toute façon, je crois qu'on peut rappeler qu'il y a énormément de confusion dans la tête des gens entre immigrés et étrangers. Hein. Alors rappeler qu'on peut être étranger et pas immigré, mais qu'on peut être immigré et français. On peut leur rappeler aussi que... Bon, si beaucoup d'Arabes sont musulmans, il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans et que la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Absolument. Ça, les Français ont du mal à le comprendre. Parce que, je crois qu'il faut le rappeler aussi, il y a un discours qui vient matraquer un certain nombre d'affirmations comme ça, qui simplifient et qui permettent de réduire, comme tu le sous-entends, cette population. J'ai quand même une question par rapport à l'universalisme. C'est un des reproches qu'on fait aux droits de l'homme français. On dit les Français ont érigé ça en système universel. Alors, finalement, vous revendiquez aussi cet universalisme. Absolument. C'est... Nous aussi, on s'intéresse à la culture ouvrière, au monde de l'immigration, à la culture amazigh au sens large, parce qu'il n'y a pas que les Kabyles, il y a aussi les Rifains au Maroc, et enfin, il y a une diaspora importante en France, et en Afrique du Nord, il y a énormément, ça concerne des millions de personnes. Effectivement, ce n'est pas par souci ou par velléité de repli sur soi, c'est de montrer en quoi... Et là, en l'occurrence, la culture kabyle, mais encore une fois, on n'est pas auto-centré. Moi, je suis française, je suis née à Saint-Étienne. Mais ça m'intéresse aussi de montrer en quoi certaines valeurs qui sont portées par l'immigration, en l'occurrence nos parents, sont universelles au sens où la solidarité villageoise, encore aujourd'hui, la question de la redistribution, finalement, qui est remise en cause par différents États ou par différents politiques, y compris en France. Hein. Quand on aide les plus démunis, c'est pas de la charité, c'est de la redistribution, et c'est normal d'aider les plus démunis. Donc ça, on a appris, nous, au cours de l'histoire, nos parents nous ont transmis, c'est des traditions qui existaient, qui existent toujours. Donc c'est important de les valoriser et de dire que quand les choses fonctionnent, il n'y a aucune raison de les ignorer, voire même de s'en moquer, parce que dans la jeune génération, y compris stéphanoise, beaucoup ont le regard rivé vers le Moyen-Orient, avec les politiques libérales qui sont menées à Dubaï, où on est étonné de voir qu'ils sont plus attirés par ces modèles-là que par des modèles villageois, sans doute aussi parce que dire que les parents viennent de milieu rural et ont été colonisés, c'est pas une image très valorisante pour eux, alors que d'avoir le regard tourné vers les grandes pétromonarchies du Golfe, pensent-ils ou pensent-elles, c'est beaucoup plus valorisant. Donc c'est aussi tout ça qu'on veut mettre en avant. Et quand je parle de tradition de solidarité, il y en a d'autres aussi. Par exemple, une expérience de démocratie participative, c'est l'Assemblée villageoise, qu'on appelle en kabyle Tajmath. Donc c'est effectivement... C'est une société patriarcale, ce sont les hommes qui se réunissent, mais il n'empêche que dans l'association, on discute aussi sur cette forme de démocratie participative où quand il y a un conflit ou un problème dans le village ou bien un souci de type économique ou une famille qui a des problèmes, des conflits internes, c'est l'Assemblée des sages qui se réunit, qui en discute et qui sert de médiation avant d'aller au tribunal. Donc ça, c'est des choses intéressantes et formidables. On parlera par la suite d'une autre forme de démocratie participative qui est Oral Khalath, qu'on traduit par le jeu des femmes. Ce sont des chants de femmes qui permettent justement aux femmes de s'exprimer musicalement sur leur situation et leur sort en tant que femmes dominées, entre guillemets, dans une société patriarcale. Alors précisément, tu viens d'y faire allusion. Tu accordes beaucoup d'importance à la musique et donc tu vas nous présenter une première chanson qui sera peut-être pas du Maghreb, mais qui est importante. Absolument. Nous, on revendique toutes les chansons de revendication et qui prônent l'égalité et la justice sociale nous appartiennent. Hein. C'est un patrimoine mondial et c'est donc un chant qui était chanté par des femmes dans les rizières en Italie, donc les monts de Dinée. Et ce chant, tout le monde le connaît, c'est Bella Ciao. Très peu connaissent qu'elles ont été les premières à chanter cette chanson qui a été reprise ensuite par au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un chant de contestation. Dans ce chant, elle parle du patron Colsuo Bastone, hein, qui les mate avec un bâton. Donc c'est un chant de revendication et de révolte des femmes. On l'écoute tout de suite. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, i risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ed ogni ora che qui passiamo. Magnifique. Elle parle de leurs conditions de travail avec les zanzars et les moustiques. Mmh. Et puis le capopier dit col suo bastone, et donc de la répression du patron. Donc elle travaillait dans des conditions extrêmement difficiles. Les pieds dans l'eau, voilà. Et voilà, c'est aussi une manière de montrer, alors en fait, ce qui m'intéressait aussi et ce qui nous intéresse dans Assassin, c'est de faire le parallèle avec d'autres pays, d'autres situations. On voit bien à travers le blues, par exemple, où il y avait les chants de travail. Mm-hmm. Là, typiquement, on est sur cette dynamique-là, les chants de travail, où ça aidait les travailleurs ou les travailleuses à travailler ensemble, mais aussi à se soutenir, à créer une forme de cohésion dans le groupe. Donc on retrouve ça dans les champs de travail aux États-Unis, mais aussi là avec les monts de Dinée, et puis aussi avec le batou, dont on va parler tout de suite après. Donc la tradition du batou, et c'est au Cap-Vert, et donc elle remonte au temps de l'esclavage, donc. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, les colons portugais, à l'époque, leur avaient interdit de chanter. l'église aussi, parce qu'ils trouvaient que ces chants étaient trop suggestifs, voire vulgaires, parce que c'était chanté par des femmes. Donc on leur avait interdit, et la pratique des percussions était interdite, tout comme d'ailleurs dans les plantations aux États-Unis du temps de l'esclavage, où les esclaves ont utilisé le washboard, la planche à laver, pour remplacer les percussions. Ici, dans le batouk, elles vont utiliser des sacs qu'elles remplissent de tissu, et elles jouent des percussions sur ces sacs remplis de tissu qu'elles mettent entre leurs deux jambes, et elles frappent dessus. Donc c'est aussi un chant de révolte des femmes. Voilà, c'est 1866 que le gouvernement a essayé de l'interdire, mais ça n'a pas marché. Elles ont continué, donc à la fois les colons, mais aussi l'Église. Donc on voit comment des coalitions se forment quand il faut opprimer les plus faibles. Voilà, le batouk. On écoute le batouk. Nunca pensava, nunca imaginava. Mas hoje está longe minha família. Nunca pensava, nunca imaginava. Mas hoje está longe minha família. Oh, família, família que te lembra Guatapinga. Despedida, minha mãe, despedida. Despedida, despedida, minha mãe. Despedida, minha mãe, despedida. Despedida, despedida, minha mãe. Hoje passei manhã para na outra manhã, é para nunca mais se macema. Corpo de chão, alma de Deus. Despedida, minha mãe, despedida. Despedida, despedida, minha mãe. Não nasce no atial, não tá mole, tá deixando. Quer que é longe, se maceu. Ce sont des groupes de femmes, exclusivement. Voilà, donc là, ce sont des groupes de femmes qui chantent. Et puis, elles peuvent aussi se lever pour danser en fonction de leur humeur du jour. Et ce que je trouve intéressant, qu'on va retrouver dans Oral Khalas, c'est cette capacité à improviser en fonction des situations. Ça peut être des situations politiques, économiques, sociales, pour revendiquer à travers ces chants leurs conditions sociales. Du reste, on va passer à une autre forme artistique, cette fois-ci qui va nous transporter en Kabylie. Et à Saint-Ascan, on tient beaucoup à mettre en valeur des artistes, pas seulement d'ailleurs. Hein, tout à l'heure, j'évoquais l'accès à la science, à la culture et au droit. Mais c'est très important pour nous de valoriser des artistes méconnus. Et en l'occurrence, là, on va entendre un chant de Tao Sarmarouche, qui est né en 1913 à Tunis et qui est décédé en 1976 en France. Et donc, ce qui est intéressant avec Tao Sarmarouche, c'est qu'elle a été la première femme écrivaine kabyle. C'est une chanteuse. Elle était l'épouse du peintre français André Bourdil. Et la famille Amrouche a été ostracisée par le gouvernement algérien. D'une part, c'était une famille chrétienne. Elle a été ostracisée, comme elle l'a dit. Le gouvernement algérien ne l'a jamais invitée à chanter dans son propre pays, puisque c'était des chants kabyles. Elle a toujours revendiqué son appartenance au continent africain et non pas au monde arabo-musulman. Et donc cette tradition orale que sa maman et sa grand-mère lui a transmise, elle l'a revendiquée, et c'est grâce à elle, c'est elle qui a démarré, en fait c'est la pionnière de ce qu'on appelle Oral Khalas. On va l'écouter dans un titre où elle s'adresse à sa tante Khalsi Malha, et elle se plaint de la condition féminine et en l'occurrence le fait d'avoir été mariée à un vieux monsieur Et donc c'est une forme de contestation aussi des mariages arrangés. Elle a été aussi une écrivaine, comme je disais, elle a écrit Le Grain Magique, La Jacinthe Noire, et puis d'autres, L'Amant Imaginaire aussi, et c'est vraiment une très très grande artiste. Donc pour nos auditeurs et auditrices qui ne comprennent pas le kabyle, moi-même je ne suis ni linguiste ni spécialiste, mais j'apprends beaucoup auprès des personnes qui pratiquent bien la langue kabyle. Elle dit, en l'occurrence dans cette chanson, « Ma mère, oh ma mère, ah que j'ai mal au ventre, j'ai bu du café et je l'ai sur le cœur, oh ma tante Melha, ma mère, oh ma mère, me voici brisée comme un fuseau, d'un vieux je suis la femme, pas d'un jouvenceau. Je t'ai dit et redit, ne l'épouse pas, il est fils de veuve, il ne travaille pas. Je t'ai dit et redit, nous sommes accordés, toi tu es la perdrie, moi je suis le perdreau, ô tante Malha. » Dans la tradition kabyle, la tante maternelle est censée être l'alliée de la fille, donc elle se plaint auprès d'elle. Et là, il y a un certain nombre de métaphores. Ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute ces textes et qu'on n'est pas, j'allais dire, kabyle, j'apprends beaucoup auprès des membres de l'association, qui ne sont d'ailleurs pas tous kabyles. Il y a aussi des Français qui n'ont aucun lien avec l'Afrique du Nord. Il y a des personnes arabophones, etc. Donc ça nous permet aussi de débattre à chaque fois des textes qu'on entend pour comprendre. En réalité, il nous parle de l'état de la société de l'époque ou même actuelle. Et là, ces métaphores, en réalité, par exemple, arbodeo, c'est le ventre, mais c'est aussi une référence au sexe, donc le ventre d'une femme. Donc c'est intéressant de voir comment elles arrivent à contourner les tabous. Tout comme dans le blues d'ailleurs, je me souviens de textes dans le blues où il était interdit aux Afro-Américains d'évoquer la femme, parce qu'à l'époque on disait que les Africains et les Noirs étaient des bêtes de sexe, etc. Et donc pour contourner le tabou imposé par l'Amérique puritaine, ils utilisaient des images comme par exemple « j'ai une voiture, elle est bien carrossée », etc. Donc petit à petit, quand le pouvoir en place comprenait de quoi il s'agissait, ben, il y avait à nouveau une censure, mais chaque fois ils arrivent à contourner les tabous. Et c'est aussi ça qui est intéressant, parce que ça donne une image différente, non pas de gens soumis et de femmes soumises, mais de gens qui contestent, qui se révoltent, qui créent aussi une forme de sororité, là, à travers ce type de chanson. Et ça nous donne des images positives de gens qui ont lutté et milité pour plus de justice et d'égalité, et de liberté aussi. Voilà pour Tao Sarmarouche. Je dois dire que c'est très émouvant, parce que moi, cette musique me touche beaucoup, enfin, toutes les trois qu'on vient d'entendre. Et de voir que, enfin, ce que tu dis, que la culture populaire s'exprime à travers à la fois la musique et les paroles, des choses qui sont extrêmement profondes de leur vécu, de leur peine, de leur joie aussi. Et puis cette façon, comme tu l'as bien dit, de contourner la censure ou les interdits, c'est tout à fait... C'est typique aussi du milieu populaire, depuis au moins le Moyen-Âge, hein, on retrouve ce genre de choses. Et donc, voilà, je trouve que cette approche de la culture populaire par la musique, c'est tout à fait passionnant. Mmh. Donc, je vois que tu as fait des interventions sur ce thème à l'université aussi. Oui. Alors, on a travaillé avec l'université déjà l'année dernière, où on a eu l'occasion avec un professeur de sociologie, Ahmed Boubaker, qui nous a permis de rencontrer un groupe d'étudiantes et d'étudiants japonais, l'université de Tokyo, qui est accompagné donc de leur professeur, qui a travaillé sur la question de l'immigration et du soutien aux immigrés à Tokyo à travers les associations et la culture. D'accord. Et donc, on a pu, nous, parler de ce qui se faisait à Saint-Étienne. Et cette année, donc, il y a eu deux interventions sur la musique amazigh, la première, et la seconde, que j'avais proposé à Madame Damon, donc qui est professeure à l'université en musicologie, sur Oral Khalath, donc le jeu des femmes, les chants des femmes. Et il y a eu le groupe de notre association qui est allé chanter. Donc c'est uniquement vocal avec des percussions, en l'occurrence à Bendayer, donc des bendirs. Et on a expliqué aux étudiants en quoi consistait la démarche. Alors, ces chants-là, Oral Khalath, ce qui est intéressant, je disais que c'est à la fois des chants de revendication, de contestation de la domination masculine, mais il y a des chants satiriques. Et c'est vrai que pendant les répétitions, il y a eu des moments où vraiment j'ai beaucoup ri, parce qu'il y a des paroles extrêmement drôles. Ou par exemple, lorsqu'elle se moque des hommes. Mais c'est une image, c'est la domination masculine qui est incarnée. Mmh. Et elle se moque des hommes à travers des images. Il y a aussi des chants satiriques qui concernent les relations entre la belle-mère et la belle-fille. Par exemple, il y a une chanson qui dit Sha Samrath. Alors Sha Samrath, si on traduit, c'est bien fait pour toi la vieille, mais en fait la vieille, c'est pas péjoratif. Mmh. C'est l'ancienne. Et Thamral, c'est à la fois l'ancienne, une personne âgée, mais aussi, c'est aussi la belle-mère. Donc elle dit, c'est bien fait pour toi, la belle-mère. Ton fils m'a donné un sou. J'ai entendu que ça ne te plaisait pas. Elle ne parle pas de son mari, elle parle de son fils. Mmh. Ce qui signifie qu'il est sur la domination de sa propre mère. C'est ça qui est intéressant. Donc, Sha Thamral, Memefkei Doron. Donc c'est aussi des chansons qui sont chantées pendant les mariages. Et ce qui est intéressant aussi, il y a un autre chant où vous avez un groupe de jeunes femmes et un groupe d'anciennes, et elles s'interpellent d'une certaine manière. Donc il y a les plus jeunes qui interpellent les belles-mères en disant « ma belle-mère c'est une sorcière », etc. Et les belles-mères qui leur répondent « j'aimerais... qu'un bateau vous emmène », en parlant du groupe de belles-filles, qu'un bateau vous emmène au milieu de la mer et qu'on ferme toutes les issues de secours. Alors c'est vrai que quand on écoute ça, on se dit oh là, elles n'iront pas de main morte. Ouais. c'est violent. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que j'expliquais qu'elles vont chanter ensemble, et ces joutes verbales, ensuite, elles vont au contraire créer de la cohésion au sein du groupe de femmes, parce que ça leur permet après de parler de la domination masculine, ce qui fait que les femmes en arrivent à se disputer entre elles. Mais en fait, c'est pour obéir aussi au patriarcat, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui mettent en avant ces chants pour dire, vous voyez qu'il n'y a pas que les hommes qui parlent de la domination masculine, dont ils peuvent être aussi les victimes, hein. C'est pas tous des bourreaux, ils sont aussi victimes d'un système. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc, elles vont chanter, et puis ensuite, elles vont partir bras dessus, bras dessous, rentrer à la maison, ou voilà, et puis la fois d'après, il va y avoir d'autres joutes verbales. Donc, c'est intéressant auprès de la jeune génération. Je discutais avec des membres de notre association qui sont nés ici, qui ne parlent pas du tout kabyle, et elles découvrent le fait que, eh bien, voilà, ce n'est pas du tout ce qu'on dit des femmes des quartiers ici en France. Et les institutions qui parlent des femmes des quartiers comme des femmes battues, soumises, à qui il faudra accompagner, soutenir, valoriser. En fait, tous ces termes sont disqualifiants. Parce que si une femme qui a 40, 50 ans, qui a élevé des enfants, qui a des petits-enfants, qui est arrivée dans des conditions difficiles, on parle d'elle en termes d'accompagnement, c'est d'une grande violence. Et souvent, les pouvoirs publics ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est valorisant. C'est disqualifiant. Ouais. Et donc, dans cette culture populaire, il y a le discours de la révolte, de la contestation. Qui, c'est cette forme, finalement, que tu évoquais un petit peu au départ. C'est-à-dire qu'il y a un féminisme qui est sous-jacent, enfin, qui s'exprime peut-être de façon un peu moins... comment dirais-je, direct que le féminisme occidental, mais qui existe. Voilà, oui, qui est pas moins grandiloquent, mais elle parle du quotidien, de leur quotidien, et du fait que c'est dur de vivre, d'ailleurs en milieu rural, quel que soit le pays. Les femmes travaillent autant que les hommes, voire plus, et puis dans des conditions très difficiles, avec un gain qui est quand même limité. Donc, c'est moins... Oral Hala, c'est pas du tout, comme on le dit souvent, c'est pas des chants qu'on va présenter demain à l'Olympia, c'est vraiment l'expression des femmes, qu'elles chantent bien ou pas bien, qu'elles connaissent les paroles ou non. Donc en fonction du contexte, il y en a qui se rajoutent au groupe, il y en a qui partent, il y en a qui aiment bien la chanson qui viennent, et il y en a qui partent. Je pense à un autre chant dont on a discuté avant-hier, qui parle de l'accès à la santé. Et donc, en Kabyle, c'est donc je me souviens plus du texte exact, donc un médecin qui est à Béjaïa, donc une ville en Kabylie, et donc il soigne les plus jeunes, Matsamrath, Techratsmuth, donc la vieille, laisse-la mourir. Donc, c'est aussi des discussions qu'on a eues, souvenez, pendant la période du Covid, où il était question de soigner les plus jeunes parce que ça valait le coup d'investir, et que par contre, les personnes âgées, elles sont en fin de vie, donc il faut faire des choix et des priorités. Donc, dans cette chanson, on voit typiquement, et à chaque refrain, donc, elles changent de ville, et là, dernièrement, elles ont rajouté la ville de Saint-Étienne, où elles disent, y a des médecins qui acceptent de soigner, y compris les pauvres, et puis il y en a d'autres qui préfèrent soigner que les riches, parce que les riches, c'est les puissants, quoi. Donc voilà, ça s'adapte chaque fois. Alors, tu voulais présenter un autre chanteur, non? Oui. Tao Samrouche, c'est ça? Alors, donc, on a entendu Tao Samrouche, et on a également une grande référence dans la culture... algérienne, kabyle, et amazigh au sens large, puisque lorsqu'il a été assassiné en 98, il y a eu des centaines, des milliers de gens qui sont allés à son enterrement. Mais il a été aussi extrêmement soutenu lorsqu'il a été pris en otage par les islamistes, les GIA, en Algérie. Et donc il y a eu tout un mouvement en Kabylie qui s'est étendu à l'Algérie, mais bien au-delà, parce qu'en France aussi, il y a eu des manifestations pour demander sa libération. Donc Martou Blounès, qui est né en 56 et a été assassiné en 98, c'est une référence. Et là, on va l'entendre dans un chant de contestation antimilitariste, donc qui commence en Kabyle, et ensuite il termine en français. Matou Blounès, qui était un militant pour la démocratie, pour la cause berbère et pour la laïcité. ذق فوسي دشمس أغلى هموم لكن ورديت خير نرامع لو كانوا لي وذاج الطوم هذا جرب غدا خل الجنون لكن ورست حسي صغر يميس الصورة وجوم لابد أزد جاف غنوم دي مردي سجان رغم خلص غوني نور دغاغ سبيينا ولانيو لمحنا ينقو السرماو لمحنا ثنجر يغسيو فوق بلاد درس الموثيو هاين ياكو يجمع وليو نسهل سيوا ذين غماو نسهل سيوا ذين غماو نرزقين غد سنسراو للعذن بدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان إذا فاتنا رانا بالدغ خاص تمشيك ثمور وهمغ ماشي ذو ذمسي روحغ عاد مليل نتوال من وين عاد مليل نتوال من وين سوك نوذي ديال تسعقال أمي ما ديال ورف الليم فام الطوثي والحلال ويسن كان ما ثمي ثيم هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال فاقر امان ميعقل تدر تدع جل غريب تدر تدع جل غريب هيا قيق ذا سيرم فاركثي وظل رام مدلي زمان يسم بفكي الحرز دلوفاو تبور في الحبس في الزم في اللسنة ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمر كام طول عماري تمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. Un chant absolument magnifique dans lequel n'importe qui, quel que soit le pays ou j'allais dire l'origine ou le système dans lequel il vit, se reconnaîtra sur l'oppression politique, religieuse. Donc Lounès Martoub a toujours revendiqué la laïcité en Algérie, comme d'ailleurs certains de nos intervenants venus d'Algérie, en l'occurrence Nadia Izzai, qui explique, donc une grande avocate qui a milité, que j'ai rencontrée dans les années, donc en 95, pendant la décennie noire, et que notre association a invité dernièrement pour parler justement de la relation dans un pays qui n'est pas laïque, en l'occurrence l'Algérie, où l'islam est religion d'État, comment finalement ce système d'oppression qui s'exprime à travers la politique mais qui est basée sur des valeurs religieuses, comment ces religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, oppriment les femmes. Et là, en l'occurrence, avec le code de la famille qui a été voté en 84 par le pouvoir algérien, qui a fait des femmes des mineurs à vie. Alors il y a des choses qui ont évolué grâce aux luttes féministes, mais quand je dis féministes, il y a aussi beaucoup d'hommes féministes, donc c'est vraiment pas exclusif. Donc il y a toute une série de lois discriminatoires qui ont été votées en 84 par le FLN pourtant à l'époque, qui se revendiquait un mouvement de libération nationale. Tout ça pour faire plaisir au mouvement islamiste qui était en voie de, qui progressait. Et donc il y a des articles, par exemple, qui interdisaient à une femme algérienne, donc musulmane, de se marier avec un non-musulman, où la femme devait avoir un tuteur. Donc vous imaginez une femme magistrate, juge ou ministre qui devait avoir un tuteur pour se marier. Elle ne pouvait pas se marier d'elle-même. Il y avait aussi à l'époque l'interdiction de sortie du territoire sans la validation, l'autorisation d'un homme. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont tombées grâce aux luttes féministes. Et lorsque notre association à l'époque, c'était FCI, Femmes contre les intégrismes, a rencontré ce collectif de féministes Algérie, Maroc, Tunisie qui militaient contre le code de la famille, parce qu'il y a aussi au Maroc, en Tunisie et dans d'autres pays où ces lois discriminatoires ont été votées. Elles expliquaient, et c'est comme ça qu'on a découvert que ces lois pouvaient concerner des femmes immigrées en France, parce que certaines ont gardé la nationalité des pays d'origine, donc les lois s'appliquent à elles en raison d'accords entre gouvernements. Mais si on prend le cas algérien, lorsqu'on est né de parents algériens, on n'est jamais déchu de la nationalité d'origine. C'est-à-dire une personne qui est née à Saint-Étienne de parents algériens, lorsqu'elle va en Algérie, elle est considérée comme algérienne. Et potentiellement, elle peut être victime de répudiation, voilà. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que le mouvement féministe en France, mais aussi les institutions publiques qui pratiquent quand même l'égalité à géométrie variable, se sont très peu intéressés à ces questions-là. Et avec l'association, on a rencontré de nombreux avocats et avocates ici en France, des magistrats, etc., pour faire connaître ces textes discriminatoires. Et en 96, il y a un guide qui s'appelle « Madame, vous avez des droits », qui a été traduit dans différentes langues. On donnait des conseils aux femmes pour leur dire, voilà, en cas de problème au niveau de l'héritage ou de la répudiation, voilà ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je me souviens, à titre, ce n'est pas une anecdote, un avocat de Saint-Étienne, qu'une femme de Saint-Étienne qui avait donc son mari, qui s'était marié avec une deuxième femme, mais de manière ce qu'on appelle halal, c'est-à-dire non officielle, il ne s'était pas marié à la mairie. Donc la loi algérienne le permettait, qu'il ait une deuxième femme, ça peut aller jusqu'à quatre, soi-disant sous certaines conditions, mais ça ne devrait même pas exister. Donc l'avocat de Saint-Étienne lui a dit « Oui, mais c'est comme ça dans vos traditions et dans votre culture », ce qui est profondément scandaleux, parce que ça montre aussi le relativisme culturel auquel on est confronté. L'égalité, c'est sans condition, et je veux dire, en France, c'est pas normal qu'un avocat dise « c'est comme ça, c'est dans votre culture ». Donc, comme la personne m'avait demandé de l'accompagner, je lui ai dit à l'avocat, à l'évidence, vous ne connaissez pas le code de la famille. Donc, je lui avais donné un guide en lui disant, vous ferez bien de le lire. Aussi pour dire, et pour terminer là-dessus, que les femmes ont le droit d'être défendues ici en France par un tribunal français, quelle que soit la nationalité. Et on n'a pas à dire à une femme, allez en Algérie ou en Afghanistan, où là-bas, on sait qu'elle va être encore plus... ostracisé où ses droits vont être complètement déniés. Donc Nadia Idzaï fait partie de toutes ces femmes qui ont lutté. Il y a aussi la soirée qu'on a organisée autour de l'assassinat en hommage à Nabila Jahnine, qui était enseignante, qui a été assassinée donc en 95. Et elle, donc étant enseignante, elle disait qu'elle se refusait de se soumettre au diktat des islamistes et à l'obscurantisme. Et ce qui est problématique, c'est que Matou Blounès avait dit, mais aussi écrit, que tout ce qui se passait en Algérie, un jour, ça arrivera en France. Et on a vu comment l'institution scolaire, aujourd'hui, elle est touchée par ces phénomènes d'obscurantisme à travers la jeune génération, malheureusement. Oui, alors c'est stupéfiant de voir effectivement qu'un État comme l'État français, qui se prétend laïque, accepte ce genre de situation, alors que on nous dit qu'il n'y a qu'une seule, une seule citoyenneté. En fait, on voit qu'il y a des citoyennetés variable. Alors à l'époque, il y avait les accords, suite aux accords d'Évian, l'idée c'était que les Français qui étaient restés en Algérie les mêmes droits que les Français de métropole et vice-versa. Sauf que quand des lois ensuite deviennent obsolètes et injustes, alors il y a l'État, mais aussi nous, je me souviens, on a sollicité beaucoup de députés pour leur dire « bon, mais il y a un sujet pour vous, c'est pas normal ». Très, très peu s'y sont intéressés, sans doute aussi parce que ça concernait des femmes immigrées, en premier lieu, qui ne votaient pas ou n'avaient pas le droit de vote. Donc il y a une grosse responsabilité, ça c'est sûr, politique. Et on est en plein dans des injonctions paradoxales. On ne peut pas demander à des gens de s'intégrer alors que d'un point de vue institutionnel, il y a des discriminations qui leur sont faites. Alors, tu viens de citer cette phrase de Mathus Lunel que je ne vais pas rappeler, mais tu as évoqué un petit peu avant la façon dont le FLN, Mouvement de Libération Nationale, qui avait au moment de la guerre d'indépendance pas mal de femmes dans ces groupes, comment ce mouvement a anticipé les attentes ou les exigences du mouvement islamiste et que finalement ça n'a pas empêché la poussée du début des années 90 et la décennie noire. Je crois qu'effectivement il y a des leçons à tirer pour nous aussi, de ne pas anticiper du tout les demandes des extrémistes de droite en particulier. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'il est dit, dans le texte de la chanson que tu as diffusée tout à l'heure, à propos du patriotisme. Donc je rappelle quand même que c'est une valeur au départ républicaine et de gauche. Absolument. 1792. Hein. Absolument. Et il dit: je ne me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. Et je crois que c'est très très fort parce que voilà, c'est la vraie forme de l'internationalisme. Absolument. Et la réfutation du patriotisme par la récupération du patriotisme par le nationalisme. Absolument. C'est très important. Qui s'exprime à travers le rejet de l'autre et la xénophobie. C'est très important de souligner. Et je voudrais aussi, excuse-moi de... Non, mais je t'en prie. D'empiéter un petit peu, mais ce mouvement, cette aspiration, c'est quelque chose qui m'est assez cher quand même. J'ai parlé tout à l'heure de l'universalisme contesté en disant que c'était une valeur occidentale. Et en fait, cette aspiration à la démocratie, on la sent tellement dans les peuples. Il y a un mouvement qui m'a beaucoup frappé, parmi d'autres, je pense, aussi bien à la Birmanie et tout ça, mais ce qui s'est passé au Soudan depuis 4 ou 5 ans, et ce mouvement des femmes pour la démocratie, et la façon dont ce mouvement est systématiquement écrasé par l'armée, avec le soutien de régimes qui veulent le maintien d'un statu quo patriarcal et opprimeur, d'oppression. Donc, je crois que c'est important de rappeler, et c'est tous ces auteurs que tu nous as fait entendre, et notamment Mathus Luneb, donc sont tout à fait significatif. Emblématique. Voilà. Alors, il y a aussi une dernière chose, excuse-moi. Oui, le film que tu as évoqué tout à l'heure sur l'assassinat de cette enseignante. Oui, Nabila Djani. Je fais une boucle avec ce que tu nous as expliqué très, très bellement sur les chansons. Et je me souviens, parce que je l'ai vu, ce film, il y a une séquence magnifique des femmes qui chantent a cappella et qui se renvoient. C'était extraordinaire. J'aurais voulu qu'on en discute, mais on n'a pas eu le temps, mais c'était vraiment... C'est un film, moi, que je conseille de voir. Je ne sais pas s'il va être diffusé, mais je pense qu'on va refaire le titre, on va refaire une séance, probablement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, de sympathisants de l'association qui en ont entendu parler. On va voir si on peut le faire, le programmer fin avril, effectivement, parce qu'il y a le film et puis le débat. Je rappelle le titre. Donc, c'est « Lettre ouverte à ma sœur ». Et le film a été réalisé par sa sœur. C'est vrai qu'il est très beau parce que c'est un témoignage de personnes qui ont été directement impliquées dans le mouvement associatif. Le passage aussi sur les hommes qui s'expriment est absolument... moi, j'ai trouvé qu'on n'entend pas suffisamment à travers les médias ces hommes qui revendiquent et qui disent que, d'une certaine manière, c'est Nabila et toutes ces féministes qui leur ont ouvert les yeux sur cet état répressif et sur le fait que... Un État, il peut pas être... un État, c'est une entité juridique. Il peut pas. L'État ne peut pas avoir une religion. Donc, ils le disent mieux que moi. Et c'est aussi tout ça qui a été débattu en Algérie à l'époque et qui continue dans beaucoup de pays. Et moi, je dis souvent que... Ce n'est pas les milieux populaires, ce n'est pas qu'ils ne s'expriment pas, c'est qu'on ne veut pas les entendre. Et pour reprendre la phrase d'un homme politique, il suffit de traverser la rue pour les entendre et pour les écouter. Donc, quand de manière institutionnelle, on méprise certains milieux, effectivement, il ne faut pas s'étonner que ça produise aussi des représentations très négatives sur des gens qui ne seraient pas citoyens, qui ne seraient pas engagés, alors qu'il y a des formes d'engagement au quotidien dans le milieu ouvrier, chez les femmes, chez les immigrés, qui sont encore très, très marquées et qui ne sont pas du tout valorisées. Tu voulais nous parler d'un autre chanteur, Rachid Taha. Alors, oui, qui n'est pas, il ne chante pas en kabyle, pour dire que ce qu'évoque Taous Amrouch, mais aussi Mahtoub Lounès, c'est aussi notre rapport à l'altérité. Et ce qui m'intéresse dans le parcours de Rachid Taha, qui est décédé la même année qu'un autre chanteur qui s'appelle Jamal Allem, très engagés tous les deux. Rachid Taha, donc, est né en Algérie, mais il est venu tout petit à Rieux-la-Pape, donc près de Lyon. Et il a fondé le groupe Carte de Séjour. Et ensuite, il a continué en solo avec Rachid Taha. Et donc, ce qui était intéressant, je me souviens aux États-Unis, j'étais à Stanford, à l'université. Et puis, près de là, il y avait un magasin qui vendait donc des CD. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai trouvé des CD de Slimane Azem, qu'on ne trouve pas du tout, ou très peu ici en France, Slimane Azem aux États-Unis. Et j'ai trouvé Rachid Taha qui était classé dans le rock français, alors qu'en France, il est classé dans les musiques du monde. Trouvez l'erreur. Donc, Carte de Séjour avait fait un scandale à l'époque. Il avait fait distribuer à l'Assemblée nationale Douce France, qu'ils avaient repris avec des sons un peu plus, j'allais dire, une musique un peu plus orientalisante, on va dire, avec la darbouka et tout ça. Et donc, ils ont été le premier groupe de rock à chanter en arabe. Et là, on va l'entendre dans une version de Rock the Casbah, qui n'est pas de Carte de Séjour ni de Rachid Taha. Mais là, il a imprimé aussi. C'est un grand militant, Rachid, qui nous a quittés donc, en 2008. 18, pardon. Des Clash. Donc, tu nous rappelles le titre Donc, le titre, c'est Rock the Casbah, voilà. Donc une chanson des Clash. Eh bien, Sakina, malheureusement, l'émission est déjà en voie de terminaison. Je suis franchement désolé, j'étais passionné, subjugué par tout ce que tu nous as dit, franchement. Et alors, je retiens quand même de cette émission, de cette émission, oui, ce que tu nous as dit sur ton association qui mêle culture populaire, culture scientifique, culture académique, et ce souci de promouvoir la culture populaire, comme tu nous l'as bien montré à travers l'exemple de la musique. C'était tout à fait passionnant, et je crois qu'on sera tenu de te faire revenir pour développer un peu plus, et notamment tout ce qui est peut-être les aspects du mouvement ouvrier, mouvement social et mouvement féministe en Afrique du Nord, Algérie, mais aussi... Et aussi en France. Tunisie, Maroc, et aussi en France. La Méditerranée étant un fleuve entre la France et l'Algérie, et pas une mer qui sépare. Pas une mer. Voilà. Eh bien, Karine, il nous reste à présenter l'agenda. Alors, le samedi 20 avril, 14h30... à l'hôtel de Villeneuve, 11 rue Gambetta, l'association Histoire Patrimoine fera parler Marie-France Marcuzzi sur le thème de Dora Rivière, la résistante 1985-1983. Je rappelle qu'on est dans cette année donc de où on fête la libération. J'en profite pour signaler, mais on en reparlera sans doute, que le CEDMO, le Centre d'études du mouvement ouvrier 42, publie un livre, une brochure qui s'intitule « Des paroles d'acteurs ligériens à l'occasion du 80e anniversaire de la libération ». Vous pouvez aller sur le site du CEDMO, tapez CEDMO 42, vous trouverez l'adresse et vous trouverez le moyen de vous procurer éventuellement cette publication. 55 témoignages de résistants et déportés. Très intéressant. Karine. Alors, le mardi 30 avril à 18h aura lieu une conférence aux archives départementales de la Loire, une conférence de Jeanne Deville sur le sujet des compagnies minières de la Loire, intitulé « Un siècle de gestion sanitaire, 1845-1946 ». Donc, les archives départementales de la Loire à 18h le mardi 30 avril. Donc c'est 6 rue Barouin. 6 rue Barouin, dans le exactement. Quartier de la Chaillière. Super. Oui, vas-y. On rappelle que le Grémos s'organise en juin, 12 et 13 juin. 6 et 7 juin. Le 6 et 6 le 7 juin prochain auront lieu aux archives départementales, là encore, les 7e rencontres d'histoire ouvrière, donc sur le thème du logement ouvrier. Si vous voulez plus d'infos, le site, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.gremos.fr. Le site sera alimenté dans les prochaines semaines avec un programme un peu plus étoffé. Voilà, amis, merci, Karine. C'est la fin de cette émission. Donc merci Sakina, merci Jean-Michel. Merci Karine. Merci, j'allais dire Tan Mirth Karine. Tan Mirth Jean-Michel, ce qui signifie merci à Karine et à Jean-Michel. Merci au Grémos, Tan Mirth le Grémos. Et en kabyle, pour dire au revoir, on dit Al Tofet. Al Tofet. Al Tofet. Al Tofet. Voilà, super. Avec plaisir. Très bien. Alors, amis auditrices et auditeurs, de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu le mercredi 8 mai à 17h. Nous vous proposerons une rediffusion de l'émission du 21 janvier 2016, émission où Jean-Paul Bentière présente les événements survenus durant la grève des immigrés aux Aciéries du Furan en mars 1974. Je vous souhaite une très belle soirée sur les ondes de Dio. Bye bye. Merci. Merde.